Avec la même intro qui n'en finit pas, toujours dans l'ombre, tu n'aimais pas que l'on se voit. Alors dans l'ombre, chacun pour soi. Une mélodie pour Élodie, une petite fille de mes amis qui avait une drôle de maman. Avant, on s'est aimé comme on s'envole sur une musique et des paroles de météores au firmament passant. Une mélodie pour Élodie et pour deux années de ma vie qui sont passées comme en rêvant deux ans. Sur cette musique-là, avec un vieux chanteur qui trafiquait sa voix, l'un contre l'autre, enlacés pour une autre fois, l'un contre l'autre, chacun pour soi. Une mélodie pour Élodie, amis qui avaient une drôle de maman avant. Une chanson tendre pour qu'elle m'entende, pour qu'elle se souvienne en passant d'un vieil hôtel, d'un océan, du vent. On s'est aimé comme on s'envole sur une musique et des paroles. On s'est réveillé différent d'avant. Il y avait une drôle de maman avant. Une chanson tendre pour qu'elle m'entende, pour qu'elle se souvienne en passant d'un vieil hôtel, d'un océan, du vent. On s'est aimé comme on s'envole sur une musique et des paroles. On s'est réveillé différent d'avant.